Le timing est parfait pour accueillir notre invité du soir. On le remercie d'être avec nous. C'est monsieur Stéphane Martin, ancien président des Girondins. Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va. Merci à vous. Bah oui, bah ça fait toujours plaisir d'avoir. C'est la première fois qu'on a un président. C'est la première fois dans cette émission qu'on a un président ou ancien président. C'est un votre prédécesseur était pas super comment dire. Bon, on l'a demandé plusieurs fois, mais on n'a jamais réussi à l'avoir. Ah bah vous aussi d'ailleurs. Pendant 9 ans, on a demandé à monsieur Trio et pendant 9 ans, il nous a dit non. Voilà. Donc c'est bien, pour une fois on est content. Merci beaucoup donc Stéphane Martin. J'ai envie de vous demander, première question déjà, prendre de vos nouvelles, comment ça se passe depuis que vous n'êtes plus à la tête du club? On prend le temps de souffler un petit peu? Voilà, exactement. Ouais. C'est sûr que c'est des jobs quand même assez intenses et exigeants, d'autant que la période n'a pas été de tout repos. Comme vous avez pu le voir, avec des résultats compliqués, voire très compliqués, lors de ma première saison. Et donc, c'est des moments qu'on vit avec beaucoup d'intensité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. C'est très obsédant et très, très prenant, à la fois en termes de temps de présence au club, mais aussi, comme je vous dis, on coupe jamais vraiment quand les résultats sont pas bons. Donc voilà, j'en profite pour souffler un peu, faire des choses que j'avais pas le temps de faire, que j'ai pas eu le temps de faire pendant ces presque 2 ans à la tête des Girondins et recharger un peu la batterie. Voilà. Cyril, sportivement, vous avez tout connu dans cette période-là avec Jocelyn Gourvennec les 6 derniers mois ou avec la remontée qui était folle et puis un petit peu les difficultés avec cette période-là de septembre à janvier très compliquée. Comment vous avez vécu cette période-là? Mais écoutez, c'était d'autant plus compliqué que les 6 mois de la saison précédente et les quelques mois qui ont suivi ma prise de fonction étaient bons, puisque donc la fin de la saison 2016-2017 était bonne. On termine 6e, pas loin de la 5e place et avec une très bonne deuxième partie de saison. On fait, ou en tout cas on pense faire, un bon mercato à l'été 2017, et puis on a un début de saison qui est bon, puisque je crois qu'on prend 15 points sur les 7 premières journées, et après la lumière s'éteint, en gros, donc c'est vrai que ce sont des choses qui sont propres au sport en général, et puis au foot en particulier, qui est un sport où tout va très vite, et où les scores sont serrés, donc on a vite fait de basculer du mauvais côté, et c'est vrai qu'il y a une période où on est comme un boxeur sonné, hein, on prend les coups, et il y a un moment où on se demande mais contre qui est-ce qu'on va réussir à prendre des points, puisque si ma mémoire est bonne, sur cette période-là, on a sur 14 matchs avec 11 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire contre Saint-Etienne. Donc c'est vrai que ça devient lancinant, et puis on sait plus par quel bout prendre le problème. Donc c'était une période très très difficile à vivre pour tout le monde au club. Après, ça rebondit. On a l'impression que, enfin c'est pas une impression, le mercato d'été est souvent l'étape la plus importante d'une saison. Au final, vous en avez pas connu beaucoup, puisque vous en avez connu la première année, voilà, avec Jocelyn Gourvennec, sur une période qui était, je pense, pas la plus simple à vivre. Avec du recul, comment vous voyez cette période qui s'étend de juin à août? Qu'est-ce que vous avez aimé sur cette période et qu'est-ce que vous avez détesté vivre? Comme vous l'avez dit à juste titre, c'est la période, en tout cas pendant laquelle, en tant que dirigeant, on a le plus d'input en matière sportive, d'influence sur le résultat sportif. Puisqu'une fois que la saison est lancée, le domaine sportif est dans les mains de plus des techniciens, que ce soit entraîneur, directeur sportif, et en tant que dirigeant, on a moins d'influence, une influence même très marginale sur le sportif. Donc c'est une période qui est intense. Dans les deux cas, on a eu beaucoup de mouvements, à la fois beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Donc ce sont des périodes très intenses, mais qui sont aussi exaltantes, puisqu'on sait que c'est là qu'on peut faire la différence, qu'il faut aller vite, qu'on va finalement décider un peu de la saison du club, et non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique, puisqu'on voit bien de plus en plus que, en tout cas dans le championnat de France, la plupart des clubs ont un modèle économique qui repose beaucoup sur sur les achats-ventes de joueurs, trading de joueurs comme on dit maintenant. Donc c'est sûr que ce sont des périodes intenses avec les avantages et les inconvénients des périodes intenses, c'est-à-dire des moments où les choses se passent pas comme on veut et qui sont très stressantes, et puis à l'inverse quand les affaires se dénouent dans le sens qu'on souhaite, des périodes d'exaltation plus positives. Bah, j'ai une question, alors je m'excuse par avance de vous la poser, mais pendant cette période, je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion d'avoir Monsieur Martin en face de moi, je lui pose la question et je lui demande, dans cette période que vous avez évoquée tout à l'heure, où la fameuse période terrible avec Jocelyn, enfin terrible en termes de résultats avec Jocelyn Gorenec, où comme vous le dites, on gagne plus un match, hein, on perd je crois 12 ou 13, ou enfin dans ces eaux-là, 11 matchs sur 14, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous, alors peut-être en concertation avec Monsieur Taverneau, je sais pas comment ça se décide, vous décidez de continuer au bout de 4, 5, 6, 7 défaites, de dire on continue, et qu'à un moment donné, alors il y avait une grogne aussi des supporters, et qu'est-ce qui vous a poussé à continuer et à un moment donné à dire bon là c'est pas possible, on peut pas aller plus loin? À pousser à continuer, je pense. Il y a deux choses. Il y a d'abord conviction personnelle qui est peut-être mauvaise, hein, mais qu'on apprend aussi dans l'adversité, et que quand on a un entraîneur dont on pense qu'il est de qualité, ça vaut le coup de continuer. Et qu'à la limite, ces périodes-là renforcent aussi les coachs, parce que ça leur fait aussi une expérience qui les fait grandir. Donc la conviction qu'il faut pas surréagir à une série de mauvais résultats. Vous évoquiez 5 ou 6 résultats défavorables, je pense, à mon avis, et encore une fois, j'ai pas prétention d'avoir tout compris au foot, c'est une période trop courte et trop rapide pour réagir. Il faut pas perdre de vue non plus que changer d'entraîneur, c'est pas neutre économiquement, donc ça peut pas être un modèle en tout cas une manière de manager un club, que de se séparer de l'entraîneur dès qu'il y a une mauvaise série. Après, et je l'assume complètement, je pense qu'on avait la conviction qui était partagée par l'actionnaire, que Jocelyn Gourvennec était un entraîneur de qualité. Donc par rapport à cette première observation que je fais, on a eu tendance à donner encore plus de temps, parce qu'on était convaincu que c'était une personne de qualité, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan du travail et du courage. Donc voilà, donc on a étendu la période de tolérance par rapport aux résultats. Après, il arrive un moment où, malheureusement, et on n'est pas très original en disant ça, où il faut faire quelque chose, on peut pas ne rien faire, et en cours de saison, la seule possibilité d'action qu'on a, c'est de changer d'entraîneur. On peut pas changer tout l'effectif. Alors on l'a fait aussi, hein, il faut pas oublier non plus que au cours du mercato d'hiver de l'année dernière, on a quand même fait pas mal de recrutements qui ont contribué aussi à changer l'équipe. Mais en dehors des ajustements lors du mercato d'hiver, et quand les résultats continuent à être mauvais, malheureusement, la seule option qui reste pour essayer de briser cette spirale, c'est de changer d'entraîneur. Mais voilà, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il y a aussi de nombreux cas où ça marche pas. Donc c'est toujours une décision qui est compliquée à prendre. Et je vous dis, à la fois sur le plan humain et puis aussi sur le plan économique, parce qu'encore une fois, c'est une dimension de ce type de décision qui est à prendre en considération. Voilà, on a trois petites questions pour finir, Cyril. Alors moi, c'est sur Gustavo Payet. Comment vous avez vécu cette soirée-là qui a marqué tous les supporters, parce après, que un match ça de a Coupe été d'Europe, un traumatisme pour nous, oui, on n'a rien compris gagne. Sur cette soirée-là. Comment vous avez vécu cette soirée-là, s'il vous plaît? Écoutez, j'ai pas trop envie de revenir dessus, on en a déjà largement parlé. Voilà, c'était une surprise, une déception, parce qu'il faut pas enlever à Gustavo Poyet le mérite d'avoir eu de bons résultats quand il était l'entraîneur de l'équipe. Donc c'était une mauvaise période pour tout le monde, parce que je pense qu'il y avait peut-être moyen de construire sur du plus long terme. Donc voilà, une surprise et une déception, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus ou de polémiquer là-dessus. On en a déjà largement parlé, et puis voilà, on garde en mémoire les bonnes choses, à savoir la bonne série, la remontée, et puis c'est la vie. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que vous parlez de Jocelyn Gourvennec, et que tout à l'heure je vous ai posé la question sur le mercato au niveau de août, août-juillet, on va dire. la partie avec Grovenec se passe mal. Il y a eu des choix sportifs qui ont été demandés par Justin Grovenec. On pense par exemple à Depréville. Est-ce que dans ce mercato-là, vous avez des regrets? Par exemple, celui de ne pas avoir plus écouté les directeurs sportifs ou d'avoir trop écouté l'entraîneur. On a du mal des fois à se dire il faut faire plaisir au coach, mais si le coach il s'en va, on a un projet sportif à tenir. Donc, est-ce que vous avez des regrets et des choses sur lesquelles vous êtes satisfait sur cette période-là? C'est une équation compliquée parce que je pense que de toute façon, on est obligé de tenir compte de l'avis du coach dans un recrutement. C'est quelque chose qui... Ah non, il peut pas être fait autrement, donc c'est toujours une décision collective. Il faut aussi assumer le fait que quand on a un coach en qui on a confiance, on l'écoute encore plus, et ça serait facile de dire les mauvais joueurs sont des choix du coach et les bons c'était les miens. Donc voilà, après vous avez tout à fait raison, il y a un équilibre qui est compliqué à trouver parce qu'on ne peut pas recruter des joueurs dans le dos d'un coach. Et à l'inverse, tous les coachs du monde pensent au match d'après et peut-être moins à un horizon à 4, 5, 10 ans que peut avoir et que doit avoir un président de club et que doit également avoir le directeur sportif. Donc c'est sûr qu'il y a cet équilibre-là. Dans le cas de que vous évoquez du mercato 2016-2017, je pense qu'il n'y a pas eu de caprice de la part de Jocelyn Gourvennec. Il y a eu une bonne concertation. Voilà, donc ça a été des choix collectifs. Tous n'étaient pas bons. Il y en a eu des bons aussi. Hein. Il y a eu de bons joueurs qui ont été recrutés lors de ce mercato-là, d'autres moins heureux. Mais voilà, c'est toujours des décisions collectives. Maintenant, vous avez raison de dire. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas spécifique à Jocelyn Gourvennec, qui a pas forcément le même horizon de vue entre les dirigeants d'un côté et l'entraîneur de l'autre. Donc, il faut trouver cet équilibre. Mais voilà, je pense que c'était quelque chose qu'on avait assez bien trouvé. Donc, voilà, les ratés, c'était des ratés collectifs, et les réussites, il y en a eu aussi sur ce mercato-là. La dernière question va vous être posée par Adrien. Adrien. Oui, pour faire un peu le tour du club. Bonsoir. Parce que, bonsoir. Parce que il y a les masculins, il y a aussi la section féminine qui a pris une autre ampleur après votre passage et aussi l'arrivée de Ramé. Et il y a un tournant. Alors, je voulais savoir si c'est nous on l'a ressenti comme ça. Est-ce que c'est vrai, réel? En mai 2017, contre les Parisiennes, les féminines se sauvent in extremis 2-2 à la dernière journée. Puis après ce sauvetage, on a l'impression que le club a, je sais pas, enfin compris qu'il était en première division. Et il y a eu un investissement qui a été multiplié avec l'arrivée d'autres joueuses. Et notamment en plus encore cette année avec par exemple Claire Lavaugé. Est-ce que c'est un vrai tournant? Ce sauvetage, on oui, alors c'est vrai que voilà, la fin de saison en général est un miracle, puisque avant le match nul à Paris, bon d'abord le match nul à Paris est conjugué avec une défaite à domicile de Saint-Etienne, si je me souviens bien, contre Guingamp, qui n'était pas non plus forcément prévu. Le match d'avant, on gagne à Marseille 1-0 dans les arrêts de jeu, si je me souviens bien. Donc c'est vrai que c'est complètement miraculeux, et pour vous dire la vérité, à 4 journées de la fin, j'étais persuadé qu'on était d'ores et déjà relégué. J'avais fait une gaffe d'ailleurs avec une joueuse en lui disant c'est pas grave, on repartira. Donc voilà, pour l'anecdote. Donc on peut vraiment parler de miracle. Oui, c'est un tournant parce qu'effectivement, si on était repassé par la deuxième division, on n'avait pas du tout la possibilité de recruter les mêmes joueuses. Après, vous savez, l'histoire du foot féminin à Bordeaux est très récente, hein, puisque la fusion avec Blanquefort se fait en 15-16 ou 14-15, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, il y a une saison de fusion. Ensuite, il y a une saison en deuxième division où l'équipe est pas du tout programmée, qui est en fait la première saison de plein exercice des Girondins féminines, où la montée est pas programmée et elle arrive quand même. Ensuite, en première division, la première saison, donc, est celle qu'on vient d'évoquer, qui se termine par un miracle, mais enfin, là aussi, où c'était plutôt un retour en D2 qui était programmé. Donc voilà, donc je trouve que c'est allé relativement vite, finalement, puisque cette année, on est sur la quatrième année de foot féminin et qu'on a déjà une équipe qui est dans le premier tiers de classement et avec des joueuses de haut niveau. Donc oui, c'est sûr que ça se fait petit à petit. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui croient, qui ont cru au début et qui ont porté le projet, que ce soit Ulrich Ramé qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, Françoise Brunet qui est aussi à l'origine de la section, et aujourd'hui on a une équipe qui tient la route et qui jouera les premiers rôles, j'en suis sûr, mais c'est important parce que le foot féminin en plein boom, je crois qu'aujourd'hui c'est déjà la 4e fédé de sport féminin avec plus de 100 000 licenciés. On a des succès, moi ça m'avait frappé, mais la finale de Champions League Lyon-PSG avait eu plus de téléspectateurs que la finale féminine de Roland-Garros. C'est quand même une statistique qui claque, si je puis me permettre l'expression. Donc je pense qu'on en est qu'au début, c'est vraiment un sport qui est très agréable à suivre, je trouve, avec un niveau vraiment élevé et des caractéristiques évidemment un peu différentes des garçons, où il y a peut-être moins de contact physique, un peu moins de vitesse, mais ça en est presque plus agréable par certains côtés, parce qu'on a plus le temps de voir le jeu et c'est plus posé. Donc moi je pense qu'on en est vraiment qu'au début. Cette année il y a un événement aussi qui est très important, c'est la diffusion de tous les matchs en direct et en intégralité, donc ça c'est pas rien. On va avoir la Coupe du Monde à la fin de l'année prochaine, enfin à la fin de la saison plutôt, et puis les JO à Paris, parce que le foot féminin, je trouve que c'est vraiment le foot aux JO, puisque les garçons, c'est une formule hybride qui mêle des pros, des jeunes, et pas forcément de nature à soulever l'enthousiasme. En revanche, je trouve que le foot féminin, depuis les JO de Londres, où il y avait eu un tournoi extraordinaire, représente vraiment le foot aux JO, donc ça va être aussi un bel outil de promotion pour le foot féminin. Donc voilà, je pense qu'on en est vraiment qu'au début de l'histoire du foot féminin, et ça me paraît normal qu'un club comme les Girondins s'investisse dans cette discipline. Et on a aussi, pour terminer, le 150 ou 170, je sais plus, mais enfin oui, je crois que c'est 170 licenciés ES au Girondins, donc on voit aussi que dans la pratique de loisirs, le foot féminin progresse bien. C'est une bonne chose. On va terminer là-dessus. Juste, j'espère quand même que les filles vous ont fait payer l'apéro après ne pas avoir cru en elles pour mais oui, non, même pas. Elles ont demandé une prime quand même, non? Est-ce qu'elles font comme les garçons? Elles ont pas insisté là-dessus, mais c'est vrai que ça aurait mérité une petite sanction. Vous avez raison. Là, prime. Avant de vous dire au revoir, votre actualité maintenant, on risque de vous revoir dans le football prochainement, dans quelques années. Bah écoutez, pourquoi pas. J'ai toujours été passionné de foot, toujours envie de travailler dans le foot, et puis certaines fois le contact avec la réalité refroidit l'enthousiasme. Moi ça a été l'inverse, j'ai vraiment adoré ce milieu, plutôt eu des bonnes surprises que des mauvaises, donc en tout cas c'est mon souhait. Après on verra, hein, les places sont chères. Quand on a eu la chance de démarrer par les Girondins, on est forcément exigeant. On a envie de, c'est compliqué après, hein, de démarrer par le meilleur, mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est un souhait. Et puis voilà, quand on a une passion comme ça, en général, c'est incurable. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Oui. Donc, voilà. Si vous attendez un peu, je crois qu'à Monaco, ça devrait pas tarder. Si bien. Voilà. Il y a qu'un poste de président qui peut vous intéresser. Sincèrement, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sportif. Agent, c'est bien un beau bordel. Je vais pas faire mystère que c'est l'aspect sportif qui m'a amené dans un club de foot plus que la vente des maillots, même si c'est important aussi. Donc voilà, donc pour participer au sportif, j'essaierai bien d'être entraîneur ou directeur sportif, mais j'ai peur de pas avoir toute la crédibilité requise. Donc je crains effectivement que président soit un peu la seule manière de travailler dans le foot. Mais sincèrement, moi c'est vraiment une passion et c'est pas une question de voilà d'ego. Je pense que n'importe quel job dans le foot me plairait, à la condition de connexion avec le sportif. Agent, c'est intéressant. Je pense que c'est une profession qui est bien mieux que l'image qui en est donnée par les médias. Donc il y a plein d'agents très bien. Maintenant, je pense pas que ce soit bien et ni souhaitable quand on a été président et qu'on aspire plutôt à travailler en club d'être agent. Je pense que c'est bien d'avoir certaines murailles de Chine entre, comme on dit dans le domaine bancaire, entre les différentes activités. Je pense que il y a trop de risques, à mon avis, de conflits d'intérêts pour passer de l'un à l'autre en tout cas rapidement, c'est pas souhaitable. Donc a priori non, mais c'est pas parce que je pense que c'est inintéressant, bien au contraire, je pense que c'est vraiment, il y a plein de choses à faire dans le monde des agents, mais c'est pas partie des pistes que j'explore en ce moment, voilà. En tout cas, merci président, on va vous souhaiter pour le dépasser. Bonne continuation pour la suite et puis qui sait. Et puis quand la session du club etc sera plus derrière nous, je pense qu'on vous renverra une invitation pour parler vraiment Girondins de Bordeaux. Il y a tellement de choses à dire mais c'est très très très vaste. Et donc si un jour vous êtes sur le coin d'un Bordeaux ou autre, enfin on essaie de replanifier ça. On est très très fort en apéro. Bah parfait. Une bonne combinaison apéro. Merci beaucoup président. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.